Malheureusement, je ne crains pas son amour. Quand il me demanderait à ma mère, il n'en serait pas plus avancé. Lui, c'est un conteur de sornettes qui ne convient pas à une fille comme vous. Oh, je ne l'écoute pas. Mais dis-moi, Lisette, Monsieur Lucidor parle donc sérieusement d'un mari? Mais d'un mari distingué, d'un établissement considérable. Très considérable, si c'est ce que je soupçonne. Et que soupçonnez-vous? Oh, je rougirais trop si je me trompais. Ne serait-ce pas lui, par hasard, que vous vous imaginez être l'homme en question, tout grand seigneur qu'il est par ses richesses? Oh, lui, je ne sais pas seulement moi-même ce que je veux dire. On rêve, on promène sa pensée, et puis c'est tout. On le verra, ce mari. Je ne l'épouserai pas sans le voir. Quand ce ne serait qu'un de ses amis, ce serait toujours une grande affaire. À propos, il m'a recommandé d'aller l'avertir quand vous seriez venu, et il m'attend dans l'allée. Mais va donc, à quoi t'amuses-tu là? Pardi, tu fais bien les commissions qu'on te donne. Il n'y sera peut-être plus. Tenez, le voilà lui-même.